Qui décide si mon cœur sera pris, s'il sera rempli de mépris, de tendresse ou de rêverie? Qui décide si nos chemins se croisent? Ailleurs, qui décide la suite de l'histoire?